Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Quand l'Empire du Milieu inspire le soleil levant, en 1906 paraît Paix japonaise, le Japon et la paix de l'Extrême-Orient. C'est un ouvrage signé de Louis Aubert. L'année précédente, en 1905, le Mikado, l'empereur du Japon, a mis une raclée au tsar lors de la guerre russo-japonaise. Et l'auteur écrit « Le prestige du Japon en Asie orientale tient à la réussite d'un programme d'éducation. En moins de 50 ans, il a su prendre de la science européenne, ce qui donne la force, tout en sauvegardant son ancienne civilisation qui, presque entièrement, est d'origine chinoise. Ah, la science européenne, la civilisation chinoise et le prestige du Japon, c'est l'histoire de deux empires qui se regardent. Pierre-François Souris, bonjour. Bonjour. Oh, je viens de dire, c'est l'histoire de deux empires qui se regardent. Il y en a un qui regarde plutôt l'autre sur la longue chronologie. Absolument, oui. La Chine s'est assez peu souciée du Japon, pour dire les choses clairement. Au cours des siècles, en tout cas, sauf quand le Japon est devenu une puissance agressive à la fin du 19e siècle et qu'il est devenu par ailleurs une sorte de modèle. Pour la première fois, les Chinois se sont intéressés au Japon dans la mesure où il servait en quelque sorte de modèle de modernisation éventuelle. Et on envoyait beaucoup d'étudiants, à la suite d'ailleurs de la défaite de 1895, on voyait beaucoup d'étudiants au Japon, d'étudiants chinois, qui ont fait leurs études au Japon parce qu'ils avaient sans doute pas les moyens d'aller en Occident, que ça leur paraissait un biais plus simple de passer par le Japon. Donc à ce moment-là, le Japon a influencé la Chine, y compris d'ailleurs dans son vocabulaire, pour retranscrire les mots d'origine occidentale. Mais pour toute la période qui précède, c'est-à-dire des origines jusqu'à la fin du 19e siècle, la Chine s'est assez peu intéressée au Japon. Dans ce que vous nous dites là, il y a quelque chose d'extrêmement récent que la Chine s'intéresse au Japon. Mais si nous évoquons ces échanges, ils sont millénaires. Malgré tout, il n'y a pas une ignorance complète de ces deux territoires. On se connaît. Non, bien sûr, on se connaît. On se connaît. Les premiers textes chinois qui évoque probablement le Japon, n'en est pas absolument certain, mais tout semble correspondre, ça date quand même du 3e, 4e siècle. Il est question d'un pays qui est morcelé en chefferie, dirigé par une reine, ce qui pour un Chinois de cette époque-là est absolument invraisemblable, et la preuve d'ailleurs de la barbarie profonde de ce pays, et ainsi de suite. Il y a d'autres chroniques plus tardives qui parlent également du Japon au 5e, 6e, 7e siècle. Mais disons que le Japon a toujours, enfin en tout cas depuis au moins le 3e siècle avant notre ère, et peut-être même avant, le Japon a été influencé sur le plan technologique par la Chine. C'est-à-dire que, par exemple, la riziculture inondée est arrivée via la péninsule de Corée, mais on sait qu'en Corée, le riz était également venu de Chine. Et donc, les techniques agricoles, par exemple, sont des techniques d'origine chinoise. Elles ont été importées petit à petit par des populations qui ont traversé la mer et qui se sont installées dans l'archipel et qui petit à petit s'y sont répandues avec leur culture et donc leur agriculture. Et puis, il y a également les métaux. Les Japonais ne connaissaient pas les métaux à cette époque-là. Je ne sais pas si on peut parler des Japonais pour parler des populations qui habitaient l'archipel à ces époques-là. Mais enfin bon, les habitants de l'archipel ne connaissaient pas la métallurgie, par exemple. Le bronze, le fer, qui ont été importés aussi très tôt en provenance de Chine et de Corée. Donc il y a eu des influences considérables. Et puis petit à petit, les élites politiques de l'archipel se sont considérablement, disons, intéressées à ce qui se faisait sur le continent parce que la Chine leur paraissait de plus en plus puissante. Oui, parce que dans cette comparaison de civilisation au premier siècle de notre ère, disons-le, il y a un écart énorme. Hein. Vous venez de parler de la Chine, déjà civilisation. Quant au Japon, vous évoquez des chefferies. Nous sommes sur un regard chinois vers le Japon. Là-bas, c'est un monde barbare. Le mot a été utilisé. Hein. Oui, alors, de toute façon, pour les Chinois, tous ceux qui ne sont pas chinois sont des barbares. Alors, qu'ils soient crus ou cuits, d'ailleurs, peu importe, puisqu'on distingue les barbares crus et les barbares cuits. C'est quoi cette distinction? Eh bien, les barbares crus, ce sont les vrais barbares, ceux qui ne connaissent rien à la civilisation chinoise. Et les barbares cuits, ce sont ceux qui sont sur les frontières de l'Empire, sur les marges de l'Empire, et qui ont quand même des notions, soit d'écriture, soit de pensée, de culture chinoise. Mais dans le cas du Japon, c'est vrai, l'archipel est très loin quand même du continent chinois. Et alors que la Chine connaît déjà le premier empire, hein, avec les Han, pendant 4 siècles, la Chine est unifiée, la fin du 3e siècle avant notre ère jusqu'au début du 3e après. Le Japon, lui, est dans un stade de ce qu'on appelle la néolithisation. C'est-à-dire qu'on passe d'une civilisation chasseur-cueilleur préhistorique à une civilisation d'agriculteurs, qui connaissent donc le riz, entre autres, mais d'autres céréales également, et qui se développent à un rythme extrêmement lent. Mais ce rythme s'accélère brusquement aux alentours du 5e, 6e siècle. Comment l'explique-t-on? Alors, en 5 minutes comme ça, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais ce qui est certain, c'est que le phénomène de sinisation, de développement de la culture chinoise sur les marges de l'Empire, s'accélère lui aussi partout, c'est-à-dire aussi bien au Tibet qu'en Corée, et le Japon, d'une certaine façon, reflète aussi cette évolution. Les élites accèdent petit à petit à l'écriture, à des techniques administratives, à des techniques architecturales, à des techniques d'organisation globale qui sont inspirées du modèle chinois. Il faut dire que la Chine depuis l'effondrement de l'Empire Han, vivait une période plus compliquée avec des royaumes qui se disputaient les uns les autres. Et à la fin du 6e siècle, la Chine connaît à nouveau une réunification impériale, avec d'abord les Sui, qui à la fin du 6e siècle qui s'effondre très vite d'ailleurs, et puis surtout les Tang. Les Tang constituent un empire extrêmement puissant à partir du début du 7e siècle. Et la constitution ou la reconstitution de l'empire en Chine a des conséquences extrêmement importantes sur tous ses voisins immédiats, à commencer par le Japon. Oui, parce que les Tang, cette dynastie, est une dynastie qui rayonne, au sens où nous avons en Chine, à ce moment-là, une construction administrative, mais héritière hein, de ce long passé que vous nous avez expliqué, Pierre-François Souiri, avec un élément majeur dans cette notion de civilisation, c'est l'écriture. Regardez ce livre, voici les pages numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le sens de la lecture est à l'inverse du nôtre. Ouvre-le, ce livre, et dis-moi un peu ce qu'il raconte. C'est l'histoire d'un petit garçon ? Non, d'une petite fille qui s'appelle Chako. Comment s'appellent les caractères qui forment la langue japonaise ? Kanji, hiragana, katakana. Et les kanji sont tout à fait différents des caractères français. Toi qui parles et qui écris le français et le japonais, tu as bien de la chance. Oui. Peux-tu m'expliquer la différence entre les deux langues ? Les majuscules et les petits caractères sont la même en France. Mais en japonais, les majuscules, les kanji, ben ça signifie quelque chose. La forme, c'est une sorte de dessin. Il y a, on écrit en hiragana ou katakana kawa. C'est-à-dire ? On écrit ça en difficile, plus difficile. Ah ben c'est plus difficile. C'est la petite Mariko. Nous sommes à Tokyo et c'est Pierre Tchernia, la télévision française, qui en 1968 présentait cette petite fille qui avait été élevée en Suisse, donc qui parlait français et qui parlait japonais, et qui évoque cette écriture. Pierre-François Souiri, dans cette histoire qui relie la Chine et le Japon, l'écriture est essentielle. Oui, alors c'était évidemment essentiel. D'abord, il faut bien comprendre que la langue chinoise et la langue japonaise sont à peu près aussi différentes que je sais pas le français et l'arabe par exemple. C'est extrêmement difficile donc de décrire la langue de l'un dans l'autre. Et les Japonais y ont mis plusieurs siècles avant d'y arriver. C'est-à-dire qu'au début, ils utilisaient le chinois et ils essayaient de le lire en chinois sans toujours très bien comprendre ce qui était écrit. Ils ont utilisé des sons qu'ils pensaient être les sons chinois pour désigner par exemple des noms de personnages ou des noms de lieux japonais. Ce qui fait qu'on ne sait jamais très bien, quand on est face à ces anciens textes, comment lire et comment comprendre. D'où il y a d'ailleurs plusieurs, parfois, toute une exégèse pour savoir ce que signifient vraiment certains textes. Mais petit à petit, quand je dis petit à petit, c'est entre le 6e et le 10e siècle. Hein. Pendant 4 siècles au moins, les Japonais ont essayé de mettre au point, en plus donc des idéogrammes chinois, que la petite fille appelle les kanji, c'est comme ça qu'on dit en japonais, en plus des idéogrammes chinois, donc un syllabaire qui permet en quelque sorte d'indiquer les terminaisons des mots. Hein. Le chinois, ça fonctionne comme des idéogrammes. Hein. Je, aller, vers, gare. Mais si vous parlez en français, vous pouvez dire je ou moi selon le verbe aller, vous pouvez le décliner au passé, au présent, etc. Donc pour tout indiquer toutes ces modifications, on pourrait écrire le français en chinois si on s'amusait. Mais il faudrait trouver quelque chose qui permette d'indiquer qu'on est au présent, au passé, au futur, que c'est une interrogation ou une affirmation, etc. Donc ces syllabaires, donc ce syllabaire, ce qu'on appelle les kana, ont été inventés petit à petit au cours de ces siècles. Mais ça serait beaucoup trop simple, parce qu'il n'y a pas un syllabaire, il y en a deux. Aïe. Pourquoi deux? Parce que ces Japonais, eh bien, utilisent des caractères chinois qu'ils adaptent à leur propre langue. C'est difficile déjà à comprendre. Mais alors, il y a plusieurs voies possibles. Non, il y a plusieurs. Alors, les syllabaires sont identiques, mais c'est pas la même manière de les écrire. Et à l'origine, hein, on dit ça. Enfin, c'est plus compliqué, mais enfin, on dit ça que le hiragana, qui est donc le syllabaire le plus simple utilisé au Japon, était utilisé par les femmes. C'était la manière pour les femmes d'écrire les caractères parce qu'elles ne d'écrire la langue puisqu'elles n'avaient pas toujours accès à l'enseignement du chinois. C'est du moins ce qu'on raconte. C'est plus compliqué que ça dans la réalité. Et souvent, elles maîtrisaient parfaitement bien le chinois par ailleurs. Et puis, il y a un deuxième syllabaire qui a été utilisé cette fois-ci par les moines pour indiquer notamment les mots d'origine bouddhiste, enfin les mots qui venaient du sanskrit, entre autres, et qui, alors aujourd'hui, sont utilisés de façon extrêmement différente, c'est-à-dire que le hiragana est le syllabaire le plus communément utilisé au Japon, mais pour écrire les mots d'origine occidentale, on utilise l'autre syllabaire, celui des moines d'autrefois. Tout ça est extrêmement compliqué. Mais... Enfin, c'est simple quand on a compris, mais sur le moment, c'est assez compliqué, en effet. Bah, vous, Pierre-François Suri, hein, vous avez compris, vous êtes spécialiste du Japon ancien, contemporain, professeur honoraire à l'université de Genève. Mais vous venez d'évoquer ces moines, parce que la question se pose, bien sûr, ces caractères chinois, cette langue chinoise qui est utilisée au Japon pour transcrire le japonais. Avec des syllabaires différents, et ça nous facilite pas la tâche. Il faut bien qu'ils arrivent par une voie possible. Est-ce que les moines, ce sont eux qui apportent cette culture? Alors, les premiers contacts qui remontent aux époques très anciennes, on sait qu'il y a eu des ambassades dès le 1er, 2e siècle, étaient composées donc de membres de l'aristocratie locale qui se rendaient en Chine pour remettre le tribut, selon les règles de la diplomatie internationale à cette époque-là, en échange de reconnaissance. On sait que, par exemple, en 57 de notre ère, une délégation, donc d'une chefferie des Na, on ne sait pas très bien où ça se situe, probablement dans le nord-est de Kyushu, se rend à la cour des Han, et avec des tissus, des esclaves, un certain nombre de produits, et en échange, ils reçoivent un sceau en or. Et ce sceau en or, on l'a retrouvé. Il existe. Et ce sceau en or scelle, d'une certaine façon, l'amitié entre ce chef, ce roi telet japonais et l'empereur des Han. C'est complètement différent comme niveau de bien sûr, de puissance. Hein. Le roi des Na, s'il contrôlait l'équivalent de quelques communes aujourd'hui, probablement, hein, un petit territoire, peut-être la surface de la ville de Paris ou quelque chose comme ça, et en face de lui, il y avait les Han. Donc, et ce sceau en or indiquait donc, fournissait un prestige extraordinaire vis-à-vis de ce chef local, qui lui-même donc pouvait être considéré comme le véritable représentant dans l'archipel de la puissance chinoise, et donc vis-à-vis des autres chefs pouvait déployer sa puissance. C'est comme ça que fonctionnaient les relations entre l'empire et les marges à ces époques-là, hein, avec les royaumes barbares. Qui existait par ailleurs en Mongolie, en Mandchourie, etc. Mais il n'est pas question de vassalité du Japon par rapport à la Chine. Nous sentons bien que le lien qu'un chef japonais pour utiliser ce mot simple japonais, peut avoir avec la Chine, et plus un lien de prestige à l'intérieur même de l'archipel. Oui, c'est à double fonction. La vassalité, elle est formelle, c'est-à-dire que le roi des Na, enfin plutôt le délégué du roi des Na, sans doute était extrêmement devait avoir une attitude extrêmement humble vis-à-vis du souverain chinois quand celui-ci l'a reçu, bien entendu. Il n'était pas question de se situer sur un plan d'égalité. D'ailleurs, c'était incompréhensible dans les relations de cette époque-là. Mais surtout, ça avait un usage interne. Oui, c'est ça, c'est usage interne. C'est-à-dire que le roi en question, le roitelet en question, pouvait se prévaloir de cette amitié avec l'empereur de Chine. De vassalité, il n'en est pas vraiment question, non. Et pour l'usage des caractères chinois et de la langue, nous sommes dans le même phénomène, en fait. Au Japon, maîtriser l'écriture, même si les caractères viennent de Chine, c'est un signe de distinction, un signe de pouvoir. Exactement, c'est un signe de pouvoir. Et d'ailleurs, l'aristocratie centrale du Yamato, c'est-à-dire la région où se situe la cour du monarque japonais, au 6e, 7e siècle, envoie donc des délégués, des fonctionnaires en province qui imposent des nouvelles lois, des nouvelles réglementations en les lisant. Ah oui. Aux chefs locaux qui sont absolument stupéfaits de voir qu'à partir d'un bout de parchemin, on peut promulguer un discours de domination. On leur fait comprendre que s'ils sont incapables de lire ces textes, ils ne savent même pas dans quel monde ils vivent. Et donc l'aristocratie locale, les chefs locaux vont à leur tour se mettre à essayer de comprendre cette langue, de l'écrire, de la lire. Et petit à petit, se siniser en ce sens qu'ils adoptent l'écriture chinoise, alors sans les kanas à l'époque, l'écriture chinoise brute, pour essayer de se situer dans le monde dans lequel ils vivent. Et ce processus donc de diffusion de l'écriture chinoise du centre vers la périphérie au Japon peut être compris en effet comme un processus de civilisation, au sens où Norbert Elias parlait de processus de civilisation dans l'Europe moderne. C'est-à-dire que petit à petit, en comprenant comment fonctionne l'écriture, on devenait soi-même un chef et reconnu comme tel. Quand l'Empire du Milieu inspire le soleil levant, avec Pierre-François Souiri, nous l'avons évoqué, l'agriculture, le travail du métal, l'écriture aussi, et là, tiens, regardez, une statue. Nous sommes au grand Bouddha de Kamakura. C'est un des grands Bouddhas du Japon. Il fait 13 mètres de haut et il est en bronze. C'est le Daibutsu, c'est le nom japonais du Bouddha. Kamakura étant une petite ville au bord de la mer, voici les offrandes au Bouddha chaque jour, des fruits dans une coupe. Ici, nous étions à la période de la floraison des cerisiers, c'était pas trop avancé. Vous remarquez une fenêtre dans le dos du Bouddha, je crois que le gardien y habite. Il est vide, d'ailleurs. Ce Bouddha, il est creux. Oui, il est creux, il date de 700 ans. Il est creux, mais il est profond dans son histoire. Nous étions en 1958 dans les actualités françaises à propos de ce Bouddha. Le Bouddha au Japon et plus globalement, le bouddhisme bien sûr et les moines qui vont avec, Pierre-François Souiri, c'est aussi une histoire d'échange, mais là encore, le bouddhisme vient de Chine ? Alors le bouddhisme vient d'Inde à l'origine. À la base, effectivement, pour le rappeler. Et donc il s'est répandu en Chine aux alentours de l'an 0 de notre ère. Se diffuse donc d'abord dans la péninsule coréenne avant de parvenir au Japon au cours du 6e siècle. Et la Corée est essentielle dans cette histoire comme espace presque tampon. Exactement. Ou en tout cas zone carrefour entre la Chine et le Japon. Exactement. Et à partir donc du 6e siècle, 7e, le bouddhisme devient en quelque sorte pas de religion d'État, mais en tout cas est accepté par l'État japonais à côté des anciens cultes comme religion officielle. Et un texte vient garantir cela au début du 7e siècle, aux alentours de 604, si je ne me trompe pas, qui est une forme de ce qu'on appelle une constitution en 17 articles, qui n'est pas du tout une constitution, mais enfin qui est un texte de propagande, qui montre à quel point le bouddhisme doit être désormais au cœur des préoccupations de l'État. Vous avez... Et ce bouddhisme, évidemment, vient par l'intermédiaire de la Chine et de la Corée, par des moines qui sont eux-mêmes d'origine coréenne ou d'origine chinoise, qui transmettent en quelque sorte les enseignements du bouddhisme dans l'archipel, avant que, plus tard, c'est-à-dire au début du 7e siècle, à leur tour, des étudiants, des moines japonais, cette fois-ci, se rendent en Chine pour aller en quelque sorte aux sources du bouddhisme, essayer de comprendre de l'intérieur, si je puis dire, ce que c'est que cette nouvelle religion. Oui, des longs voyages d'étudiants. Des voyages d'étudiants. Alors évidemment, ils n'y vont pas pour 6 mois comme aujourd'hui. Hein. Ils y vont pour 20 ans, 30 ans pour certains d'entre eux. Ils partent jeunes, ils rentrent 30 ans plus tard. Quand ils rentrent, parce que certains ne rentrent pas, meurent sur place, ou bien il y a quelques naufrages aussi. Et petit à petit, donc, grâce à ces maîtres qui sont allés étudier en Chine, eh bien, le bouddhisme se répand, alors avec tout de suite d'ailleurs des différences qui apparaissent dans les formes de théologie locales. Oui, c'est ça qui est intéressant, parce que dans le cas de l'écriture, les Japonais adoptent les caractères chinois parce qu'ils n'en avaient pas, et ils les adaptent peu à peu. Mais vous avez évoqué, Pierre-François Souiri, les anciens cultes du Japon. Donc le bouddhisme arrive là où il y a déjà d'autres cultes, cela pose problème ? Alors, il y a d'autres cultes au Japon, comme dans toutes les sociétés, oui, des cultes, des dieux du sol, des divinités locales qui sont vénérées par les communautés rurales. Ces dieux, ces divinités, au début, on se pose la question de savoir si elles vont accepter de passer en quelque sorte au second rang derrière le Bouddha, derrière les manifestations du Bouddha. Mais le bouddhisme est, d'une certaine façon, une religion très... très intégratrice, à la différence peut-être du christianisme qui a, lui, au contraire, exclu les cultes païens. C'est-à-dire que le bouddhisme intègre les cultes locaux. C'est-à-dire, les explique comme des manifestations locales. Dans le langage bouddhiste, on appelle ça un avatar. Des manifestations locales du Bouddha, et qui donc peuvent être absolument compris comme telles. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc c'est la raison pour laquelle au Japon, par exemple, vous pouvez très bien avoir un sanctuaire Shinto à l'intérieur d'un temple bouddhiste, ou parfois, plus rarement, mais parfois l'inverse. Ou en tout cas à côté, s'il n'est pas dans le sanctuaire lui-même. En tout cas, le sanctuaire, la chapelle, disons, la petite chapelle où on vénère les divinités locales, peut tout à fait exister au sein d'un grand monastère bouddhiste, par exemple, sans que ça pose le moindre problème. Et grande influence de ces moines bouddhistes, non pas tellement en tant que moines, mais par tout ce qu'ils portent de culture, mais avec ces échanges constants, nous évoquons ces moines qui peuvent venir éventuellement de Chine ou de Corée. Il y a dès lors, pour le Japon, un lien avec un monde beaucoup plus vaste. Oui, l'importance de la civilisation chinoise est parfaitement comprise par les élites japonaises au cours de cette époque-là, cette époque dite ancienne. Mais très vite, on assiste à des phénomènes de, entre guillemets, japonisation. C'est-à-dire que il y a des sortes de d'idiosyncrasies qui se constituent, avec parfois d'ailleurs des mélanges avec le Shinto, mais pas toujours. Et on a ainsi une sorte de japonisation de la culture qui s'accroît très vite à partir du 9e siècle pour une raison bien simple, c'est que l'Empire Tang est entré en décadence et qu'il n'attire plus, comme autrefois, il n'a pas le prestige qu'il avait autrefois auprès des Japonais. Et les Japonais qui vont en Chine reviennent assez déçus en disant ils sont comme nous, quoi. Enfin, ils sont pas plus avancés que nous. Il y a une sorte de relatif détachement vis-à-vis de la Chine qui se produit à partir, disons, du 9e, 10e siècle. Les ambassades, d'ailleurs, officielles cessent petit à petit. La dernière part, je ne sais plus la date exacte, mais c'est aux alentours de 840. Et après, il n'y a plus d'ambassade officielle. Et donc, le Japon se... Non pas qu'il se replie sur lui-même, mais il y a un phénomène de maturation de la culture chinoise qui se produit à travers dans différents styles, hein, le style architectural, le style de la poésie, le style de l'écriture aussi, comme on l'a vu avec l'invention des kanas. Et donc, d'une certaine façon, le Japon, à partir du 10e, 11e siècle, commence déjà à être différent. Oui, c'est ça. Le bouddhisme, tel qu'il est d'arriver au Japon, se transforme un peu. Alors les monastères sont le lieu principal où l'aristocratie locale apprend à écrire, hein, puisque c'est presque tous les jeunes aristocrates passent comme moignons dans un temple, hein, une partie de leur jeunesse, et c'est là qu'ils apprennent à écrire et à lire. Ouais, c'est là où ils apprennent à écrire et à lire, où ils apprennent aussi d'autres formes de pensée, le confucianisme. Pour ce crime de désobéissance, vous méritez tous d'être exécutés comme des criminels de droit commun. Mais tes hommes et toi, vous avez suivi la voie du Bushido. Pour honorer votre maître et pour venger cette traîtrise. Je ne vois que des samouraïs devant moi. Je vous autorise à mourir en samouraï et à reposer aux côtés de votre maître avec honneur. Merci à vous, grand Shogun. C'est un extrait du film Ronin. Et dans ce film, il y a toute cette réflexion, à un moment où le néo-confucianisme est quelque chose de présent, du développement du Bushido. Qu'est-ce que tout cela, Pierre-François Souiri, quels sont tous ces mouvements de pensée venus de la Chine, c'est le cas du confucianisme et du néo-confucianisme, et puis de ce qui fait la spécificité japonaise, c'est le cas du Bushido. Est-ce que tout cela peut être lié? Alors ça, c'est un débat presque idéologique, on va dire, entre historiens. Certains diront que oui, moi je pense que non, mais si vous voulez, le confucianisme, c'est pas une religion d'abord, c'est une forme de pensée, certains diront une forme de philosophie, en tout cas une morale politique, une morale familiale, qui a été introduite au Japon avec le reste, c'est-à-dire avec le bouddhisme, l'architecture, les techniques administratives dont on parlait tout à l'heure, vers le 7e siècle, et qui a certainement influencé les hautes couches de l'aristocratie japonaise, mais qui finalement s'est assez peu diffusé dans la population, avant qu'il soit reconnu ou réadapté à partir du début du XVIIe siècle, donc beaucoup plus tard, sous la forme de la pensée du philosophe chinois Zhu Xi, qui vécut au XIIe siècle, et que nous, on appelle le néo-confucianisme, le nouveau confucianisme. En fait, le confucianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est le néo-confucianisme. Le confucianisme de Confucius, si tant est soit-il que Confucius ait vraiment existé, est quelque chose qui, évidemment, est extrêmement lointain et joue assez peu aujourd'hui. Alors, le néo-confucianisme s'est développé dans la civilisation japonaise à partir du XVIIe et a constitué le corpus essentiel de ce qui a permis aux jeunes japonais d'apprendre, alors je parle plus cette fois-ci de l'aristocratie, mais du peuple, de sa majorité de la population, à apprendre à lire et à écrire, car les japonais savaient lire et écrire au moins pour environ 50% d'entre eux au moment de la révolution industrielle. C'était énorme. Or, c'est-à-dire, c'est très nombreux, oui, c'est plus que la France en 1789, par exemple. Et ce confucianisme a été donc à la base de l'éducation. C'est-à-dire qu'on apprenait à lire avec des phrases extraites de Confucius. Et donc le confucianisme est devenu vraiment l'idéologie centrale du Japon avant la modernisation. Ce qui fait que moi je dis par provocation, le Japon n'a jamais été aussi moderne que quand il est devenu chinois pour de bon. Oui, c'est ça. Alors ça c'est une chose. Le confucianisme est une idéologie qui, d'une certaine façon, justifie l'ordre établi. Il y a des compensations, hein, c'est-à-dire que vous devez vénérer vos ancêtres, bien sûr, mais aussi votre mari, le souverain, les ministres, votre frère aîné, mais en échange de ceux-ci vous doivent la bienveillance. En tout cas, ils doivent être c'est une sorte de rapport, hein, c'est toujours quelque chose versus quelque chose, hein, le confucianisme. Donc on a une idéologie qui permet en quelque sorte de maintenir les rapports sociaux, mais à condition que les choses soient partagées, c'est-à-dire que ceux qui sont en dessous soient loyaux et ceux qui sont en dessus soient bienveillants. Bon. Cette idéologie-là, à mon avis, est l'idéologie centrale du Japon, bien plus que le Bushido. Mais on peut parler du Bushido aussi. Ben oui, le Bushido, alors la voix du guerrier. Mais Pierre-François Souiri, je pourrais citer la plupart de vos ouvrages. Vous avez écrit notamment ces samouraïs, 1000 ans d'histoire. Parce que le Bushido, c'est ça, la voix du guerrier, nous l'associons au samouraï. Et là, nous avons quelque chose de spécifiquement japonais. Donc, il n'y a pas de lien à faire avec une influence étrangère. C'est-à-dire que le Bushido se développe à quel moment? Alors, le Bushido, c'est le mot lui-même date de la fin du XVIe siècle, donc c'est très tardif. Il n'existe aucun traité de Bushido. Il n'existe que des livres comme ça qui évoquent le Bushido, mais il n'y a pas un livre qui constituerait la Bible, si je puis dire, de cela. La pratique, les pratiques, donc l'existence des samouraïs remonte au Xe siècle à peu près, hein, au Xe siècle de notre ère. Ce sont donc des guerriers qui vivent dans les provinces, qui sont assez frustres, on va dire un peu rudailles sur les bords, et qui connaissent très peu ou très mal l'univers de la centrale de la cour, pour qui ils ont un certain respect, mais jusqu'à un certain point seulement. Et à partir du XIIe siècle, la fin du XIIe siècle, les guerriers prennent le pouvoir, au détriment donc de l'ancienne aristocratie civile de fonctionnaires. Et dans les provinces, en tout cas, sont à la tête donc des domaines sur lesquels travaillent les paysans. Ce sont des gens qui ont quand même, ce sont des guerriers, c'est-à-dire des gens qui pratiquent la violence, une violence relativement maîtrisée, mais quand même. Et c'est vrai que le Japon entre à partir de la fin du XIIe siècle dans une période de guerre seigneuriale qui va pratiquement durer jusqu'à la fin du XVIe siècle. Donc au cours de cette période-là, il pratique évidemment tout un ensemble, ce qu'on pourrait appeler quasiment des sports, qui sont en fait des entraînements à la guerre. Hein. Le tir à l'arc à cheval, le sumo, le combat, bien sûr, et tous ces entraînements, parce qu'il s'agit d'entraînements, je disais sport, mais il ne faut pas exagérer, ce sont des entraînements. Et ces entraînements, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs « narai » en japonais. Et ces entraînements vont constituer plus tard ce qu'on va appeler le Bushido. Le plus tard est important, hein, cette reconstruction, pour quelque chose qui est spécifique au Japon. Parce que dans cette longue histoire, il y a la période que vous nous avez racontée où les liens avec le Japon et la Chine sont importants. Premier siècle de notre ère, et puis le 12e, 13e, 14e, 15e siècle, ben là où se développe le Bushido, quelque chose que l'on a construit comme étant typiquement japonais, c'est aussi une période où il y a moins de relations. J'ai l'impression que les échanges continuent toujours, mais peut-on dire qu'ils sont aussi intenses qu'auparavant, avec la Chine, bien sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'émergence de la classe des guerriers, des bushi, hein, des samouraïs, si vous préférez, c'est quelque chose d'assez particulier au Japon. Ça n'existe pas en tout cas à un degré pareil en Corée et pas non plus en Chine. En Chine, les mandarins, les lettrés ont toujours maintenu en quelque sorte leur pouvoir sur la société, ce qui n'est pas le cas justement du Japon, où, qui a connu une sorte de société féodale qui s'est développée d'elle-même. Et du coup, l'idéologie que porte cette société féodale ne peut pas avoir de lien avec la Chine. C'est quelque chose effectivement d'autonome, hein, de différent. Et on a donc au Japon l'émergence de cette pensée qui va être radicalisée. Le texte que vous lisiez tout à l'heure est intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire c'est une forme de radicalisation d'une pratique qui n'a jamais été la réalité. Parce que le Bushido s'est développé quand la guerre s'est arrêtée. Oui, c'est-à-dire quand les samouraïs sont devenus autre chose que des guerriers, au sens strict du terme, c'est-à-dire ne faisaient plus la guerre, et sont devenus des administrateurs, des fonctionnaires de fief, des juges, des médecins, des policiers, des gens qui s'occupaient de la fiscalité de la seigneurie, mais en aucun cas des gens qui pratiquaient les arts militaires pour de bon, si je puis dire. Alors ils s'entraînaient dans les endroits spéciaux où on faisait ils s'entraînaient au maniement du sabre ou au tir à l'arc, mais c'était des entraînements. Et c'était des entraînements pour la guerre et dans ces relations entre deux puissances. Et là, ça y est, le Japon est devenu un empire. Nous sommes au 16e, 17e siècle. Y a-t-il une volonté de s'étendre pour le Japon, vers la Corée notamment, et pour la Chine, y a-t-il ces tensions qui peuvent apparaître entre ces deux puissances? Alors, les choses sont un peu différentes entre la Corée et la Chine. La Corée a toujours été... il y a eu toujours des relations entre la péninsule coréenne et l'archipel japonais depuis très très longtemps, mais il y a eu aussi beaucoup de piraterie. Les Japonais ont pris la mauvaise habitude, enfin les Japonais, Les habitants, disons, des îles du nord-ouest de Kyushu, du nord-est de Kyushu, ont pris l'habitude d'aller à partir du XIVe siècle, de faire des razzias sur les côtes coréennes et de dévaster les côtes et les régions de Corée. Puis ensuite, se sont étendues vers la Chine, ce qui fait que les relations entre la Corée et la Chine se sont détériorées. Puis ensuite, les relations entre la Chine et le Japon se sont détériorées à cause de ces invasions de pirates, mais qui n'étaient pas des opérations d'État, c'était des opérations individuelles en quelque sorte. Et c'est lorsque Hideyoshi, à la fin du XVIe siècle, puis les Tokugawa, ont remis de l'ordre et ont fermé le pays, justement. Une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons, ça a été justement de bloquer cette piraterie pour rétablir, si possible, des liens à peu près normaux avec les voisins. Donc les relations se sont un peu détériorées. Mais on peut dire en sens inverse que les invasions mongoles du XIIIe siècle, de la fin du XIIIe siècle, donc où le Japon a subi donc tentative de débarquement mongol, on dit par facilité les invasions mongoles, mais enfin la plupart des troupes qui étaient embarquées sur les bateaux, c'était des Chinois, c'était des Coréens, c'était des Mongols, c'était une espèce d'armada internationale sous la direction du grand Kang, qui était aussi l'empereur Yuan de Chine, hein, Kublai. Et donc, on peut dire qu'à ce moment-là, la Chine qui tente d'envahir le Japon avec des résultats qui sont pas très bons pour eux, hein, puisque les flottes ont été vaincues. Enfin, les armées qui ont débarqué ont été vaincues et les flottes ont été dispersées par les fameux typhons que les Japonais ont appelés des vents divins, kamikaze. Bah oui, parce que c'est toujours pratique quand c'est un typhon qui détruit l'ennemi et ça évite, quand on n'a pas assez de navires soi-même, de partir au combat. Mais dans cette histoire, le Japon, vous nous l'avez dit, Pierre-François Souiri, se referme au XVIIe siècle. La circulation est difficile, mais pour contrôler, et j'aime beaucoup ce que vous expliquez, dans une volonté de pouvoir renouer des échanges assez pacifiés avec la Chine. Mais dans cette période, les échanges continuent, notamment en chansons. C'est une chanson écrite en Chine au XVIIIe siècle, donc c'est la dynastie des Qing. Mais cette chanson a un écho au Japon. Pierre-François Souiri, malgré les tensions, les combats parfois et la piraterie, les échanges culturels se poursuivent toujours entre la Chine et le Japon. Alors, la question se pose quand on parle d'échanges, dans les deux sens, dans un seul sens ? Alors c'est dans les deux sens bien entendu, mais il faut savoir que à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, la Chine est conquise par les Mongols et l'Empire Song s'effondre en deux temps, le Song du Nord puis les Song du Sud, et une grande partie des lettrés, enfin une grande partie, un certain nombre de lettrés chinois décident de fuir l'invasion mongole et se réfugient au Japon, où ils sont accueillis à bras ouverts par les shoguns installés à Kamakura, dont il était question tout à l'heure quand on parlait du grand Bouddha. Et donc, après la grande période d'influence de la Chine des Tang à l'époque ancienne, il y a une deuxième grande période chinoise au Japon, au cours du Moyen-Âge, par l'intermédiaire de ces lettrés ou de ces moines, qui viennent au Japon et qui enseignent ce que c'est que cette nouvelle civilisation qu'était la civilisation des Song. Et mutatis mutandis, on a un petit peu le même phénomène au XVIIe siècle. C'est-à-dire que l'empire Ming chinois donc s'effondre sous les coups des Mandchous, qui fondent en 1644 une nouvelle dynastie, la dynastie des Qing. Et cette dynastie des Qing est considérée par les Japonais comme une dynastie de barbares, ce qu'ils étaient. Les Mandchous. Les Mandchous. Et donc, une partie, on retrouve le même phénomène qu'à l'époque des Song, c'est-à-dire qu'une partie infime, enfin une partie quand même de l'intelligentsia chinoise, des lettrés, fuit la Chine pour échapper à la domination mandchoue et se réfugient au Japon, où ils sont, ils sont accueillis à leur tour à bras ouverts, non pas par le régime du shogun comme à Kamakura au XIIIe siècle, mais par les différents daimyo, c'est-à-dire les grands seigneurs japonais. Et donc, pardon, les grands seigneurs japonais ont autour d'eux un certain nombre de lettrés ou de moines, parfois, chinois, qui leur enseignent la nouvelle civilisation de Ming, en quelque sorte. Ouais, c'est très intéressant hein, de voir ces différentes étapes d'influence, mais chaque influence est appropriée, modifiée, changée. Chine, Japon, deux empires se regardent. France Culture. Le cours de l'histoire. C'est un Chinois, disciple de Confucius, qui a dit « Ceux qui sont aptes à aider la mère nature dans la croissance et le maintien de la vie sont les égaux du ciel et de la terre. » Xavier Mauduit. Pierre-François Souiri, nous avons longuement évoqué l'influence chinoise au Japon, au point de se demander tout ce que doit le Japon à la culture chinoise. En tout cas, il a su se l'approprier. À quel moment dans l'histoire peut-on voir un phénomène inverse, que le Japon influence la Chine? Alors, le Japon n'a pas vraiment influencé la Chine avant la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire quand le Japon entame son processus de modernisation et d'occidentalisation avec l'arrivée des Occidentaux, donc à partir des années 1850. Face aux Occidentaux, la Chine se raidit en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils estiment que les Occidentaux sont des nouveaux barbares. Mais il y en a eu tellement au cours de l'histoire que c'est pas très très grave. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience, mais très très lentement, que l'Occident, c'est pas des nouveaux barbares, c'est beaucoup plus que ça. Et leur civilisation elle-même est en péril. Ils ne prendront conscience de cela que finalement à la fin du 19e siècle, dans les dernières années du 19e siècle, hein, dans les années 1890, pas une guerre avant. Alors bien sûr, il y a des individus qui avaient compris ça un peu plus tôt que les autres, mais disons qu'au niveau du pouvoir, on l'a pas bien compris encore. Alors que les Japonais ont très vite compris que ils ont très vite analysé ce qui s'était passé lors de la première guerre de l'opium, lorsque les Britanniques ont vaincu les Chinois, à stupéfaction générale. Les Chinois pensaient que c'était un coup d'épingle, mais les Japonais ont compris que c'était beaucoup plus grave que ça. Et que si les Occidentaux arrivaient au Japon, eux qui étaient des samouraïs, ne sauraient pas faire la guerre et les vaincre. Donc il fallait de toute urgence réformer le pays, le moderniser, on disait pas comme ça à l'époque, mais enfin le moderniser et surtout construire une armée forte et un pays riche de façon à tenir tête aux Occidentaux. La démonstration de la rapidité avec laquelle le Japon s'est modernisé à cette époque-là est faite lors de la guerre sino-japonaise, la première guerre de sino-japonaise de 1894-95, au cours de laquelle les armées chinoises sont complètement défaites par les armées japonaises, qui sont déjà bien équipées, avec une logistique qui fonctionne, etc. Les Chinois réalisent que finalement les Japonais ont fait quelque chose qu'eux n'ont pas été capables de faire. D'où cet envoi d'étudiants dont je parlais tout à l'heure. De Chine vers le Japon. De Chine vers le Japon et surtout l'adoption. Parce que lorsque les Occidentaux sont arrivés, ils sont arrivés avec tout un vocabulaire que ne connaissaient pas les Orientaux. Je sais pas, parlement, constitution, assemblée, élections, philosophie, liberté, individu, enfin toute une série de mots qui n'étaient pas, en tout cas, pas faciles à comprendre en langage sino-japonais. Et donc ils ont fabriqué à partir d'idéogrammes chinois les mots qui leur permettaient de transcrire. Alors c'est vrai des concepts, c'est vrai aussi d'un certain nombre de techniques. Hein, par exemple, le chemin de fer, la machine à vapeur, etc. La machine à vapeur, l'électricité, etc. Bon. Les Chinois se sont retrouvés donc face à des propositions faites par les Japonais pour traduire ces mots. Et ils les ont adoptés. Donc à ce moment-là, l'écriture revient en quelque sorte du Japon vers la Chine. Et les Chinois adoptent les concepts fabriqués par les Japonais pour traduire les concepts occidentaux. Concepts ou techniques, hein. Et donc, à ce moment-là, il y a une forte influence du Japon sur la Chine. Alors, certains intellectuels réactionnaires chinois refusent ces mots, veulent en adopter d'autres, mais grosso modo, ils adoptent les mêmes mots que les Japonais. Et à ce moment-là, le Japon constitue une sorte de, comme on le disait dans la propagande de l'époque, le phare de l'Orient. Ouais, c'est ça, c'est cette inversion qui est passionnante. Et puis, nous n'allons pas raconter toute l'histoire politique, mais au XXe siècle, cette force, cette puissance japonaise fait qu'il y a l'intervention en Chine du Nord, et ce lien qui renverse tout. Oui, alors par la suite, le Japon, devenant une puissance impérialiste et colonialiste, envahit, comme vous le savez, la Chine à partir de la Mandchourie d'abord à partir de 1931, puis la Chine du Nord et la Chine du Centre à partir de 1937. Et là commence une guerre épouvantable entre le Japon, une guerre impérialiste, hein, entre le Japon et la Chine, avec les massacres que l'on connaît. Là, les rapports, les relations entre les deux pays sont au plus mal, vous pouvez bien penser. Alors, je ne sais pas si on doit continuer après la guerre, mais après la guerre, il y a une rupture de relations totale entre le Japon et la Chine communiste jusqu'en 1972. Il n'y a pas de lien entre la Chine et le Japon pendant 30 ans. Entre 45 et 72, il n'y a aucun lien entre les deux pays, sauf des délégations du Parti communiste japonais qui se rendent en Chine, des choses comme ça. Mais enfin, c'est rien du tout. C'est très peu important au niveau. Par contre, à partir de 72, suite à la reconnaissance par les États-Unis de la Chine communiste, le Japon embraye. Et donc, les relations se redeviennent normales entre deux pays voisins, si on peut dire, mais avec des systèmes, évidemment, politiques très différents. Le Japon capitaliste d'un côté, la Chine communiste de l'autre. Mais dans ces années-là, effectivement, c'est Taïwan qui peut être ce lien entre la Chine et le Japon. Et Pierre-François Souyri, nous allons consacrer une émission à Taïwan, l'autre Chine. Alors une émission beaucoup plus contemporaine, parce qu'avec vous, et merci vivement de nous avoir présenté ces relations, ces échanges sur le temps long. Et moi, je suis fasciné de voir ce jeu d'échange et cette culture japonaise qui vient comme ça s'appuyer sur une culture chinoise, mais la transformer, l'adapter. Alors, on pourrait citer tous vos ouvrages, hein, Pierre-François Souyri, cette nouvelle histoire du Japon, ce Japon colonial, mais on peut aussi citer l'esprit de plaisir, une histoire de la sexualité et de l'érotisme au Japon, 17e-20e siècle, chez Payot, parce que c'est ça aussi, cette histoire qui nous intéresse, et cette histoire qui brasse large. Merci vivement à vous. Merci. Le dernier livre est publié avec Philippe Ponce. Avec Philippe Ponce, et vous avez raison, il faut toujours appeler les gens avec qui l'on écrit. Merci beaucoup Pierre-François Souyri. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi Catherine de Médicis imposa à son fils, le roi Charles IX, un tour de France de 829 jours. Le 24 janvier 1564, le roi Charles IX, qui n'avait pas encore 14 ans, et sa mère Catherine de Médicis quittèrent Paris pour un très long tour de France. Ils étaient accompagnés d'une cour forte d'environ 15 000 personnes, qui comprenait des princes, des ambassadeurs, une escorte militaire, des artisans et des domestiques portant les meubles, les tapisseries et les coffres. Cet immense cortège fut de retour dans la capitale le 1er mai 1566, au terme d'un périple de plus de 4000 km qui avait duré 829 jours. Les péripéties de ce voyage extraordinaire furent consignées dans le recueil et discours du voyage du roi Charles IX, fournissant aux historiens une source exceptionnelle pour comprendre comment fonctionnait le pouvoir d'État au XVIe siècle. La finalité de ce voyage était éminemment politique. Après la mort de son frère François II, Charles avait été sacré roi de France le 5 mai 1561, alors qu'il n'avait que 10 ans. Il était issu de la maison des Valois, la branche cadette de la dynastie capétienne qui régna sur le royaume de France de 1328 à 1589. L'une des faiblesses de l'État royal sous l'Ancien Régime tenait au fait que la couronne se transmettait de père en fils. Les luttes qui se menaient au sein des grandes familles aristocratiques pour la conquête du pouvoir s'intensifiaient lorsque l'héritier légitime n'était qu'un enfant. Catherine de Médicis, la mère de Charles IX, qui exerça la régence jusqu'à la majorité du nouveau roi, était d'autant plus consciente de cette menace que le royaume de France était alors déchiré par la première guerre de religion opposant les protestants et les catholiques. Elle organisa ce tour de France afin que ses sujets puissent voir de leurs propres yeux leur nouveau roi. Il faut préciser qu'à cette époque, l'État royal n'était pas complètement sédentarisé. Les déplacements du monarque étaient une nécessité politique car au XVIe siècle, les liaisons à distance étaient encore très peu développées. La fragilité du réseau administratif obligeait le pouvoir royal à pratiquer un contrôle direct sur les institutions locales, en menant une politique systématique de présence sur place. Le système féodal tout entier était d'ailleurs fondé sur les liens directs de fidélité et de reconnaissance. Ces relations d'homme à homme, qu'on appelait l'hommage, permettaient de consolider les liens entre le monarque et les élites de la bourgeoisie et de l'aristocratie. C'est aussi grâce à ces rapports directs que le roi pouvait conforter son pouvoir symbolique sur le peuple. Ce tour de France fut donc une vaste mise en scène de la représentation de la puissance royale. Au lendemain de la première guerre de religion, il s'agissait de compenser la faible emprise de la monarchie valoisienne dans les provinces en forgeant l'unité du royaume autour de la personne du roi. Il semble, d'après nos sources, que le but ait été atteint puisque les habitants de toutes les provinces manifestèrent le plus grand loyalisme à l'égard de Charles IX, sauf à La Rochelle, où les protestants exprimèrent leur mécontentement. Eh bien, nous exprimons notre contentement de vous entendre, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Budèche, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.